SM on the track. Yo, putain de flow qui déclasse, classe. Ça fait bouger de tête, ça fait mouiller les tasses, tasses. Fais le fond, te fais boire la tasse. Pensez si soleil et la mer, la droga et la calache. Fais le fond, t'arrache, c'est les ha, on arrache. Zargo, la karate, karate, karate. Trop rusé pour se manquer, négro. Trop armé pour se taper. J'vois des souris, c'est estompé, négro. J'suis posé avec ma tompée, je la consomme avec mes alliés. Sur le canapé, affalé, amené. Sia. Mais vos bouts du monde en change, pas c'est la même. Sans sa personne, ils sont trop dangereux. Ils veulent pas donner la force, ils veulent connaître le jeu. Pour reconnaître des traîtres, faut d'abord les connaître. Ils vivent pour la fame, ils vivent pour le paraître. Dans ma solitude, mais j'ai l'habitude. Je leur ai tout donné, ils m'ont trahi, mais j'ai l'habitude. T'en fous les gosses, ça fait les cosses. Ça met les gaz, loin de la thèse. Faut être le boss, faire le pain, mettre le cross dans le 13. Moi, les bêtes, c'était comme du lico. Pour un reste, les nerfs. J'suis dans mon coin, je vois tout, tout comme au pire de laser. J'chope le jour et la night, moi je vois même plus la mama. Des fois frangin j'ai ma mal, mais j'ai qu'elle est fière de moi. Quand on arrive ça fait pom pom. Plus de poc, plus de pompe, ça fait pom pom pom pom. Et dans la rue ça fait pom pom. Cœur plein toujours à l'aise dans mes pom pom pom pom. Est-ce que tu lâcherais la galette comme dans Squid Game? Je leur remettrai des coups de gilette à ceux qui me jettent le haine. Ici on affronte les épreuves comme Jihou dans My Name. Le chétan me tourne autour pour que la vie d'un me malmène. J'ai jamais toupé personne, j'suis pas une détente, ma mère. Avec mon pétard, mon chef, Liman et moi-même. Mais je leur pousse tous à l'arrêt, même s'ils viennent d'Harlem. J'suis un Tunti Haré, j'me battrai toujours pour les choses qui m'appartiennent. Et fois c'est compliqué dans ce que tu construis, ils veulent tous à moitié. J'ai l'impression qu'ils me forcent à leur péter le poirier. J'aime pas voir la force d'un autre déployé. Au début c'était mal barré. C'est pas ce qui me vient l'idée. Personne nous a guidé, de la rue on est érodé. Les CPD, t'as fait des sauts, des morts. J'serais pas désolé, t'as qu'on baise. Mon analyse, t'as qu'à venir analyser. Combien de litres on a tissé. Tu vas être traumatisé car on a trop maltisé. Ça fait boum, chakalaka pour la boum, charger la gare. Tu peux faire du mal à qui, j'suis chaud comme un felaga. Go, vas-y, vas-y, cours, cours, madafaka. La balle est toujours rapide, sans pitié comme halaka. Et le mec tout bien le karma. Y'a la frappe de Ketama. T'as le gamin, j'roule un kama. Le disque d'or, c'est pour maman. Marseille c'est triste, trop de drama. Mes frères se tuent pour la droga. 2 heures de route, je suis à Rotterdam. Je connais la route, je passe par Breda. C'est pour mes négros, mes pétards, mes babes, tous mes chinois. Sors le chine à la douche, céramique dans le peignoir. J'en ai vu au star, c'était des concessionnaires. Marre de tourner en rond comme un donneur. On va te fourrer, tu veux jouer à la vache, on fait que fourrer. Quand t'as le nez dans la marche, cousin, je suis à Cannes. C'est pas pour monter les marches. Un blanc fait rouge, ça je les plaque et je m'arrache. Pas leur poche, ils gonflent que tu claques. QDR sur ta photo, bientôt sur ta plaque. Comme le 13 ou DB sur le maillot de l'OM. J'aimerais la frange jusqu'à ce qu'elle m'aime. Sur terrain comme Unai, mais pas pour les mêmes causes. Mission à pas tous les jours, j'encaisse, négo, j'fais pas de pause. Les paquets, je pèse dans la cabine, je pose. Les paquets, je pèse dans la cabine, je pose. Avec le plastique, je bosse et la zip, je bosse. Là, porte la poste, mais ramène de l'espèce. J'viens d'herbelo tous les jours, ça roule des bas de baseball. J'viens d'herbelo tous les jours, ça roule des bas de baseball. Ils veulent brasser, faire passer la tonne. Laisse-moi passer d'abord. Pour fracasser la prod, on va se casser d'abord. Échapper aux sirènes. En ciseaux, j'vais marquer. Masqué comme Osimhen. Perdre ou gagner, trouve le parallèle. Quand j'me détends, j'écoute du Raphaël. J'monte à 200, coupe les parallèles. Précis en lamelles, ça coupe le caramel. C'est Vitrolles, Marseille, ceux qui ont vécu ça. J'garde mon écu. Ils sont pas de logo Médusa. Tu voulais nous la mettre, t'avais qu'à viser mieux. C'est procès verbal 13, organisé 2. Pardon dans les roues, tu t'es trompé. En galère ça marche à pied, Goda se trompé. J'ai croisé le bonheur, il m'a dit Benaki. L'épreuve une leçon bien acquis. Well ou nada, vita yorka. Remonte à date fada. Fada gay, c'est pas pour le dollar. Ethnos, Coluche, l'amour de l'art. Tout pour la daronne, c'est pas du Henny. Quand c'est la merde, il nous dénie. Gramme de champion, Mohamed Ali. L'or ça se nettoie, continue de salir. Au début c'était mal barré.